Salut à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Derrière le Poste, bienvenue dans l'asile le plus sûr, comme toutes les semaines, ou presque. La semaine dernière, petit souci technique, donc pas d'émission en direct. Par contre, une émission qui a été postée, qui consistait en une mixtape des titres qu'on a pas mal diffusés, des albums les plus fameux de ces 6 derniers mois. C'est écoutable sur le blog de l'émission Asile avec un z35.blogspot.fr ou sur le mixcloud/renman. Voilà, de même que les playlists des émissions de chaque semaine, émissions téléchargeables, podcastables. Pour le blog de l'émission, on attaque avec un jeune power trio d'origine norvégienne, signé par un label qui a le nez creux, qui est mené par leur compatriote Rune Christoffersen, le label Rune Gramophone, qui a été fondé il y a une bonne quinzaine d'années du côté d'Oslo. Un jeune trio guitare, sax, batterie qui combine l'énergie du rock des années 70 façon King Crimson à la fougue du jazz free façon Peter Brotsman. Il s'appelle Crocophante. Donc c'est censé être une sorte de croisement entre un crocodile et un éléphant. En tout cas, on peut y retrouver la précision du jazz rock norvégien qu'on vous passe assez régulièrement dans cette même émission. On écoute le titre de cet album éponyme de Crocophante, le titre Polyphante. Thank you. On a démarré l'asile de cette semaine avec des musiques pour transpirer sous les maillots, originaire du Nord, du rock jazz norvégien tout d'abord avec les Crocophantes et leur disque éponyme sorti chez Rune Gramophone que j'ai découvert il y a peu mais qui est sorti plutôt vers le mois de février-mars et qui est un album excellent de bout en bout comme le titre Polyphante qui démarre cet opus avec lequel on a démarré l'émission. Donc très très bon power trio. Alors je crois que c'est des gens totalement inconnus au bataillon. On les a pas retrouvés on les retrouve pas dans les groupes habituels du rock free et jazz mélangé de ces groupes originaires d'Oslo qu'on découvre régulièrement sur le label de Rune Christoffersen, et c'était enchaîné avec une équipe de Finnois, pour ne pas dire une fine équipe, les Can-Can Heads et leur disque Butter Life. Il s'agit d'un deuxième album long, à mi-chemin entre les Butthole Surfers et Captain Beefheart, en tout cas pour le titre qu'on entendait. Et c'est un groupe qui existe pourtant depuis quasiment 20 ans, qu'il pratique un rock bancal et lo-fi de cet acabit. Leur précédent album officiel datait de 1999, mais il faut dire qu'ils sont plutôt coutumiers de sortir des cassettes CDR et autres 45 tours split, notamment sur le label Equisus. Alors là, c'est sorti sur des labels totalement inconnus sous nos contrées, Carcia Mystica et Verdura Records en vinyle, ce disque Butter Life par les Can-Can Heads, qui font partie de toute une scène d'obscurs groupes qui pratiquent ce type de spasto-punk Stick Musac, comme ils appellent leur genre musical. Voilà. Et donc, pour faire suite à ce Can-Can Heads, je propose d'écouter une toute nouveauté. Il s'agit du premier opus long du projet mené par l'Irlandais batteur Sean Noonan et son projet à géométrie variable Pavis Dance, dans lequel on peut retrouver pas mal de musiciens principalement américains assez fameux, notamment le guitariste new-yorkais Aaron Badjakian, que je vous ai déjà proposé dans l'asile le plus sûr, qui était l'un des accompagnateurs de Lou Reed et qui a sorti un album il y a peu de très très bonne facture. À ses côtés, on retrouve aussi le bassiste légendaire Jamaluddin Takuma. Et pour cet opus de Pavis Dance, Malcolm Mooney, le mythique premier chanteur américain du groupe de rock Teuton Can. Alors, ce premier opus de Pavis Dance est plutôt tarabiscoté et assez polymorphe, un peu à l'image de ses musiciens, et notamment donc de leur leader qui se décrit comme un griot irlandais. D'ailleurs, il se met souvent en scène en kilt, ce batteur Sean Noonan, qui collabore aux côtés de pas mal de musiciens principalement donc des scènes avant-garde aux États-Unis. Alors je ne suis pas franchement très convaincu par la scansion de Monsieur Mooney, qui est un peu perdu en timbre, et il manque certainement un peu d'écriture et un vrai songwriting pour ce disque, mais la mayonnaise n'est pas dégueulasse, comme le titre que je propose d'écouter ce soir, extrait de cet album There's Always a Night par Pavis Dance, et on écoute le titre Man on the Moon. Man on the moon. Je vous avais promis de la sueur dans l'émission de cette semaine. On a attaqué avec la nouvelle formation de l'Irlandais ou Américano-Irlandais, je pense qu'il habite aux États-Unis, Sean Noonan et son projet Pavis Dance, qui est un album qui vient tout juste de sortir sur son propre label. Ça doit être quelque chose comme Noonan Unites Music sous le titre There's Always the Night. Et c'est disponible évidemment en commande sur à peu près tous les médias existants. On y retrouve donc le fameux premier chanteur historique du groupe allemand The Can, Malcolm Mooney, qu'on n'avait pas eu entendu dans cet exercice depuis une bonne vingtaine d'années, lui qui s'est consacré à la sculpture et aux arts plastiques depuis le début des années 70. Et puis il y a pas mal de beau monde sur ce projet, notamment Jamaluddin Takuma ou encore Aram Bajakian, qui sont plutôt en forme. Il y a des extraits qui sont écoutables d'ailleurs sur le SoundCloud de Sean Noonan, et c'était enchaîné avec un disque nettement plus relevé qui était dû aux Norvégiens, encore des Norvégiens qui récidivent donc dans l'asile le plus sûr. Là il s'agissait du projet du bassiste basé à Austin dans le Texas et membre de la formation The Thing Ingebrid Ackerflaten, qui a rassemblé autour de lui un sextet dans lequel on retrouve là encore pas mal de beaux linges du côté du free rock et du jazz contemporain, notamment le batteur Frank Rosali, le guitariste, alors là je crois que c'est un Finlandais, du Scorch Trio Raoul Björkenheim. Il y a des soufflants assez impressionnants aussi sur ce projet, notamment Jason Jackson ou encore Mars William du NRJ Ensemble, et aussi un trompettiste rappeur totalement inconnu au bataillon, Joad Taylor. Et donc tout ça, ça fait The Young Mothers, et ce disque A Mother's Work Is Never Done, sorti sur Tektite Records, une musique plutôt fusion free funk hip hop, un peu à l'image de celle que pouvait pratiquer Buckshot Le Funk, le projet du saxophoniste Branford Marsalis, pour ceux à qui ça évoque encore quelques souvenirs. C'était il y a une bonne quinzaine d'années, mais c'est nettement plus énervé que ce projet qui était assez jazz hip-hop baba. Bref, toute l'énergie du jazz nordique avec la grosse mécanique américaine et énormément de finesse et de précision pour ce projet The Young Mothers et le disque A Mother's Work Is Never Done. On va continuer avec cette fois-ci un Américain, un vrai, même s'il est je crois basé en Europe et du côté de Berlin. Il s'agit de Arnold Dreblatt, qui est un compositeur qui a étudié aux côtés d'à peu près tous les minimalistes américains, notamment Pauline Oliveros, Lamonte Young ou encore Alvin Lucier. Alors on caractérise souvent comme le plus rock des compositeurs minimalistes. Il pratique une sorte de musique contemporaine assez rythmée qui s'inspire des patterns du rock sur différents instruments à cordes. Ces ensembles s'appellent l'Orchestra of Excited Strings, et on y retrouve pas mal d'Américains et aussi des Européens donc sur ces différentes incarnations de son orchestre. Et là je propose cette semaine de découvrir la musique de Arnold Dreblatt à l'occasion de la sortie d'un florilège de titres live étalés sur pas moins de 25 ans, qui ont été compilés par le berlinois Georg Heiler alias Konrad Sprenger, qui lui aussi pratique la musique minimale tantinet répétitive. Le disque s'intitule Choice et c'est sorti en vinyle only sur le label Choose. Excellent disque de Arnold Dreblatt. Alors on va dire que c'est le coup de cœur de la semaine. On écoute un titre qui date, je crois, de à peu près une quinzaine d'années, si je ne m'abuse. Un titre qui était enregistré en concert en 1997 au Théâtre Spekakel de Zurich. C'était le 17 juillet 1997, très exactement. On écoute The Orchestra of Excited Strings de Arnold Dreblatt. Thank you. Une séquence pour nous remettre de nos suées de tout à l'heure, une séquence un peu contrastée qui a démarré avec la musique du compositeur américain Arnold Dreiblatt, musicien minimaliste comme on dit, et son disque Choice publié en vinyle sur le label Choose. Donc une superbe plongée dans les compositions en concert de ce monsieur et de ses différents orchestres, ces différentes incarnations, comme ce sideband de 1997 qui démarrait la séquence, dans lequel on pouvait retrouver des gens tout aussi intéressants que l'américain Jason Kahn, plasticien sonore californien si je ne m'abuse, ou encore Pierre Berthet aux percussions, qu'on connaît pour ses installations assez fameuses et ses collaborations aux côtés de Frédéric Lejinter. Donc très très beau disque de composition assez rare en album de Arnold Dreiblatt, qui était enchaîné avec la musique de l'ensemble psychédélique italien originaire de Turin, la Pyramide di Sangue. Et cet album s'était sorti sur le label Boring Machine, conjointement avec Sound of Cobra, sorti en vinyle. Je crois que c'était les mêmes labels qui avaient sorti leur précédent disque. Je crois que c'est le deuxième, celui-ci, l'album CT. La Pyramide di Sangue, qui est un ensemble composé de deux guitares, deux batteries, un synthé, des multi-percussions et une clarinette qui donne un côté un peu enlevé et enjoué à leur musique. On pense à un croisement entre le vieux groupe allemand un peu ethno-kraut Embryo et les Master Musicians of Buckeye, mais avec un côté un peu plus méditerranéen pour la musique de la pyramide di Sangue. Et juste à l'instant, il s'agissait de la rencontre entre Steve Gunn et Mike Cooper. L'album s'intitule Cantos de Lisboa. Il sort cette semaine sur le label FRKWYS, une série de 33 tours qui rassemble et assemble des couples de musiciens. Et donc, en l'occurrence, cette fois-ci, donc, la rencontre entre le Britannique Mike Cooper, qui est un peu un virtuose de la guitare hawaïenne et de la slide guitar, et qui n'est jamais avare aussi en bizarrerie expérimentale. Il a fait partie des différentes scènes improvisées et jazz européenne à partir des années 70. D'ailleurs, je crois qu'on réédite aussi l'un de ses vieux projets du début des années 70 en ce moment, son fameux projet Machine Gun Company, qui est réédité aussi ces jours-ci. Il se produit assez régulièrement en solo et il sort aussi des albums sous son nom. Mais donc là, on le retrouve aux côtés du guitariste émérite Steve Gunn, qui doit avoir pas moins de 20 ou 30 ans d'écart avec Mike Cooper. Steve Gunn, qu'on écoute assez régulièrement dans l'Asile le plus sûr, notamment pour une série des quantités de disques qu'il produit chaque année sur les labels Thrillob Recordings ou encore Important Records. L'an dernier, il s'était fendu d'un très très beau Time Off sous son nom, et il a aussi fait partie des projets GHQ et autres projets plutôt dans le registre un peu folk psychédélique. Et donc tous deux, ils pratiquent une musique qui puise bien évidemment dans les racines du folk et du blues américain, entre Ryke Coudeur et Six Organs of Admittance, le projet de Ben Chasney. Et je rajouterai aussi, pour le titre qu'on entendait, extrait de ce Cantos de Lisboa, quelques sonorités qui me font beaucoup penser à la musique du camarade Dominique Grimaud, que je salue et qui écoute régulièrement L'Asile le plus sûr, et qui est l'auteur du générique de cette même émission, avec son projet de la fin des années 70, années 80, Vidéo Aventure. Voilà, on va continuer avec tout autre chose et une séquence nettement plus estampillée musique électronique. Et cette fois-ci, donc, la musique de Mademoiselle Sawako, qui, donc, comme son nom l'indique, est une Tokyoïte qui pratique plutôt les arts sonores. Elle sort aussi des disques depuis une bonne douzaine d'années. On a pu aussi la rencontrer aux côtés de Ryuichi Sakamoto. Elle sort ce mois-ci un tout nouvel album sur le label français piloté par Eric Besnard, l'excellent label qui creuse son sillon Bascarou depuis une bonne dizaine d'années du côté des musiques électroniques et expérimentales. L'album s'intitule Nu.it. Et je propose d'écouter un extrait assez court de ce disque plutôt très très réussi de Sawako, donc nu.it. Il y a une subtilité, je vous laisse deviner laquelle. Et on va écouter que je retrouve mon conducteur d'émission sur cet album de Sawako, le titre Neumel. Et ça continue pendant une bonne quinzaine de minutes encore, comme ça, en drone tellurique, pulsé par le violoncelle de l'islandaise Hildur Guðnadóttir, ce nouvel album de Angel, qui s'intitule Terra Nul, sorti par le label autrichien Imego. Angel, qui est le projet de Ilpo Väisänen, moitié du membre Pansonic, aux côtés de son acolyte, lui membre de Schneider, TM, Dirk Dresselhaus. Alors c'est le 5e ou 6e disque en date de Angel, donc qui produit principalement d'ailleurs sous étiquette Imego. Album très très réussi, avec des pièces très longues comme celle-ci. Je crois qu'il n'y a que 3 ou 4 titres sur cet album, qui fait pas loin de 70 minutes, sorti en CD, sur lequel on retrouve d'ailleurs au passage aussi Lucio Capecce à la clarinette et au saxophone, et différents effets pour une musique donc électronique, mais aussi de drone improvisé, on pourrait appeler ça la musique de ce projet Angel. Et juste avant, on entendait le tout nouveau disque de la japonaise Sawako, qui s'intitule Nu.it, sorti par Baskaru, lui aussi en CD. Un album là nettement plus ambiante, avec beaucoup de micros événements, pas mal aussi de sound recordings sur cet album de la japonaise Sawako, qui est plutôt un album, on va dire, assez charmant, avec beaucoup de détails qui charment l'oreille et qu'il faut un peu de temps pour rentrer dedans, mais quand on y est, on n'a pas trop envie d'en sortir. Voilà, on va continuer avec un disque là nettement plus rugueux, toujours dans les musiques électroniques, mais un peu biscornu. Là il s'agit d'un album de l'américain Jake Medjinski, sous le titre français S'il vous plaît, L'appel du vide. Et cet appel du vide est sorti par son acolyte, le guitariste Bill Nace, qu'on connaît surtout pour être le membre du projet Body Slash Head, le tout nouveau projet de Kim Gordon, ex-membre de Sonic Youth. Et donc cet excellent guitariste assez abrasif, Bill Nace, a un label sur lequel il produit beaucoup de choses qu'il aime bien, et ça depuis à peu près une demi-douzaine d'années, une production assez régulière. Et donc ce disque de Jake Medjinski, qui est plutôt batteur à l'origine, il faisait partie du projet Slaughterhouse Percussion, aux côtés d'ailleurs de Bill Nace, et donc il s'est fendu d'un album plutôt de musique un peu minimale, qui fait penser plutôt à ce qu'on peut produire en Allemagne, des blips et des choses un peu de cet ordre. Je propose de découvrir un extrait de ce disque de Jake Medjinski, le titre Scriob. Et donc c'est un disque qu'il faut écouter en 45 tours et non pas en 33, comme j'avais commencé à le faire d'ailleurs pour cette galette. L'appel du vide de Jake Medjinski. Thank you. À l'instant dans l'Asile de plus sûr, une séquence absolument indiffusable en radio d'improvisation qui dure pas loin de 15-20 minutes. Extrait de cet excellent nouveau disque qui marque la rencontre et le retour en duo entre le piano de Sophie Agnel et la guitare jouée tous deux de manière oblique de Olivier Benoît. Olivier Benoît, ex-membre de la Pieuvre et mentor de l'Orchestre National de Jazz, le retour de cette rencontre qu'ils avaient initiée il y a de ça une bonne douzaine d'années par un premier disque qui était sorti sur le label In Situ. Ils viennent tout juste de récidiver avec un nouveau CD, cette fois-ci sur le label du Centre National de Création Musicale Césarée. Ça s'intitule le Reps, et là encore c'est un duo de cordes acérées et affûtées dans lequel on a du mal à distinguer qui fait quoi sur ces deux très belles pièces qui figurent donc sur ce CD, qu'accompagne un texte d'ailleurs de Cathy Hayden. Voilà donc très beau disque, ce Reps de Sophie Agnel et Olivier Benoît. Juste avant, on entendait des blips et blops de monsieur Jake Mechinski sur un disque produit par son camarade de Bill Nays sur son label Open Mouse. L'album s'intitule L'appel du vide, et on pensait pas mal à des productions de type Rasternoton. L'album est entièrement à l'avenant, très beau disque L'appel du vide également. On va continuer avec une autre production du label Open Mouse, et cette fois-ci plutôt dans le registre du free jazz, dans lequel excelle quantité de camarades de Bill Nays, un peu tout son environnement musical. On l'y retrouve aux côtés de la paire Paul Flaherty au saxophone, Chris Corsano à la batterie, qui se pratique depuis une bonne dizaine d'années. D'ailleurs, ils viennent de sortir un tout nouvel album tous les deux sur Feeding Tube sous le titre Low Cost Space Fly. Mais là, ils ont rejoint donc Bill Nays, Corsano et Flaherty par un autre saxophoniste, Steve Basque. Ski et Dread Fool est aux vocaux assez inspirés, furieusement free. L'album s'intitule Wrong Number, là encore sorti en vinyle only, avec toujours, comme toujours dans les productions Open Mouse, une esthétique extrêmement janséniste, on pourrait dire, de très très très bonne facture, comme la musique que produit ce quintet ou sextet. Je crois que c'est même un quintet, mais ils font penser plutôt à un ensemble de musiciens assez déchaînés sur ce disque. On écoute le titre qui démarre cet album, qui s'intitule donc Wrong Number. Thank you. Ah, je vous avais prévenu que c'était de l'excellent Free qui décapait ce projet Wrong Number, dans lequel on retrouve 5 jeunes ou moins jeunes gens énervés en la personne des saxophonistes Steve Baskowski, Paul Flaherty, qui lui a déjà un âge assez vénérable mais qui continue toujours à hurler dans son saxophone à qui mieux mieux, et le batteur Chris Corsano, le guitariste Bill Nace et Dreadful pour exhorter un peu l'ensemble. À la voix. C'est un disque 33 tours qui est sorti sur le label de Bill Nace, Open Mouse. Si cette musique vous intéresse, sachez que vous pouvez vous la procurer auprès du distributeur Metamkin. Voilà, vous savez tout pour cette semaine. Je propose de nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sonores. Entre-temps, vous pouvez retrouver les playlists et l'ensemble des émissions L'Asile le plus sûr sur le blog asile35.blogspot.fr, également l'écouter sur le Mixcloud /Redman pour l'écoute en streaming, et pour le podcast et poster des commentaires, donc c'est le blog asile35.blogspot.fr. Je propose de conclure avec un disque qu'on a écouté un peu plus tôt dans l'émission, le disque de la japonaise Sawako, excellent disque de musique ambiante contemplative. L'album s'intitule nu.it. Alors je pense que vous avez deviné la subtilité qui se cache sous ce titre de Sawako, sorti par l'excellent label Baskaru, qui s'est fendu d'une série de 3 nouveaux albums en ce mois de juin, un disque de Roger Zuiderwelt ou encore de V-Man. Pas eu le temps d'écouter encore ces deux-là. On essaiera de se rattraper d'ici la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt.